Amis auditeurs de Radioactive, bonsoir et bienvenue dans cette 136e émission de Osez Jazz à tous les étages, saison 5, épisode 29, toujours avec ce générique Bacchus de Nicolas Gardel et les Headbangers, et toujours avec Maxime qui assure la technique avec brio comme toujours. Toujours une émission consacrée avec cette fois-ci beaucoup d'actualité, mais qui commence toujours avec cette rubrique générique. Alors la semaine dernière, on avait eu un générique de André Francis d'une de ses émissions des années 70. On va revenir un petit peu en arrière avec une autre émission, toujours d'André Francis, toujours sur France Inter, qui s'appelait Jazz sur scène, et dont le générique était un merveilleux morceau de Miles Davis, un morceau qui s'appelle Devil May Care, et que André Francis était allé chercher sur une face B de 45 tours. Et oui, c'est incroyable, mais c'était pas paru à l'époque sur un album. C'était la face B du morceau Seven Steps to Heaven, parce qu'à l'époque, il sortait même des 45 tours en jazz. Il y a énormément de 45 tours de Miles Davis qui sont sortis. Et sur cette face B, donc, il y avait un morceau qui s'appelait donc Devil May Care, et que André Francis avait choisi comme générique de son émission. Le morceau est enregistré à l'époque en 1962, très exactement le 23 août 1962, et il paraîtra après sur des albums compilations dans les années 70, à l'époque où Miles Davis a arrêté à la fin des années 70 de sortir des albums avant de revenir dans les années 80. Il avait sorti, donc Columbia avait sorti une série d'albums avec des morceaux rares ou inédits, et celui-ci était donc ressorti sur une compilation Giants of Jazz consacrée à Miles Davis. Donc sur ce morceau enregistré en 62, on retrouvait Miles à la trompette, bien sûr, Frank Reak, qui n'est pas très très connu, tromboniste qu'on retrouve pas très souvent auprès de Miles, Wayne Shorter, le grand Wayne Shorter, donc au sax ténor, et puis la rythmique, et bien c'est ni plus ni moins que celle de Kind of Blue trois ans plus tôt. Paul Chambers à la basse et Jimmy Cobb à la batterie, et avec un petit bonus au bongo, et on l'entend bien sur ce morceau, William Correa, mieux connu sous le nom de Willy Bobo, le roi des bongos, qui va jouer sur des tonnes et des tonnes et tonnes d'albums de jazz, de salsa et même de rock, parfois un peu un incontournable, pas très connu, mais un incontournable des sessions musicales. Donc ce morceau qui fait la face B de Seven Steps to Heaven, qui s'appelle Devil May Care, c'est vraiment un classique de ce que Miles Davis peut faire à l'époque, un jazz encore très très très classique, mais en même temps très inventif. On l'écoute tout de suite avec ce morceau Devil May Care. Thank you. C'était Miles Davis avec ce titre Devil May Care, face B d'un single de Seven Steps to Heaven en 1962, sorti en 1963. Voilà, avec Wayne Shorter qu'on a entendu de manière assez lointaine. Il devait y avoir un enregistrement mono pas très très maîtrisé à l'époque sur le 45 tours, qui a fait que la piste de Wayne Shorter dans son solo était un petit peu lointaine. Mais bon, c'est pas grave, vous avez peut-être tendu l'oreille pour en saisir toutes les subtilités. Alors vous gardez un petit peu tout ça dans l'oreille, parce qu'à la fin de l'émission, on passera un autre titre de Miles Davis un petit peu antérieur dans la rubrique des rééditions, et vous verrez que voilà, il y a eu pas mal d'évolutions, mais que quand même il y a déjà, entre le titre qu'on écoutera qui date de 57 à celui qu'on vient d'écouter de 62, il y a quand même une grande communauté de jeux. On va passer maintenant au coup de cœur avec une actualité toujours assez riche en ce mois de mars, avec notamment un nouvel album d'un pianiste qu'on avait déjà eu l'occasion de faire en coup de cœur il y a 2 ans. C'était un album de ce Baptiste Bailly, pianiste assez exceptionnel, en duo avec Gwen Cahu, guitariste qui a un très très très très beau jeu, et à tous les deux ils avaient sorti un album Mosaïque qui était vraiment vraiment superbe. Alors je trouve que les deux musiciens sortent simultanément des albums, donc on va écouter les deux l'un à la suite de l'autre, cette fois-ci chacun séparément. Donc Baptiste Bailly, le pianiste, sort un album assez particulier, puisque l'album s'appelle Amour courtois, et en effet il a été enregistré dans une abbaye, l'abbaye de Fontfroide, où avec ses musiciens, il est allé enregistrer des pièces de musique écrites notamment par Guillaume de Machaud, Gilles Binchois ou Vitry également, enfin tout un tas de compositeurs de cette période du XIVe siècle, et qu'il a retranscrit en pièces de jazz, donc pour piano, avec un accompagnement sur certains morceaux de vielle à roue, de oud, et également de baryton à cordes. Le baryton à cordes, c'est une sorte de violoncelle un petit peu ancien, qui a un son un petit peu plus aigu que le violoncelle d'aujourd'hui, et qui rappelle un petit peu la viole de gambe au niveau du son. Et c'est vraiment un album très très beau, sur lequel donc il a développé, à partir des mélodies de Guillaume de Machaud, Gilles Binchois et autres, des thèmes qui sont vraiment proches du jazz, entre le jazz et la musique médiévale. J'ai pas trop souvenir que ça ait été fait jusque-là, donc c'est un petit peu une première, et c'est vraiment très très réussi. Donc il est accompagné notamment sur le morceau qu'on va écouter, qui s'appelle « C'est d'amer, mais repens-toi ». Je maîtrise pas trop le français ancien, donc excusez-moi si je prononce mal. Donc il est accompagné de Efren Lopez, qui joue donc de la vielle à roue sur ce morceau-là, et puis donc lui-même, Baptiste Bailly, joue du piano, et on va écouter donc ce morceau « C'est d'amer, me repens-toi » tout de suite. Thank you. Et non, ce ne sont pas des parasites que vous avez entendus, c'était bien une vieille Larrou que vous entendiez sur ce morceau joué par Efren Lopez et au piano Baptiste Bailly, donc sur cet album qui vient juste de sortir de Baptiste Bailly chez Bayard, Amour courtois, une pièce de Guillaume de Machaut réarrangée en version jazz comme ça, c'était vraiment vraiment magnifique et je pense qu'il y a un accordeur de piano qui a dû s'arracher les cheveux parce que quand on sait comment c'est difficile de sortir des sons justes d'une vielle à roue, pour accorder un piano avec, ça doit être quand même quelque chose. Et je pense que ça a dû être quelque chose. Voilà. Alors, je vous l'annonçais en envoyant ce titre. Donc, son ancien coéquipier Gwen Cahu, guitariste, sort parallèlement lui aussi un album, donc Baptiste Bailly c'était du piano, Gwen Cahu c'est un superbe guitariste qui travaille essentiellement sur une guitare acoustique généralement, et là il ne fait pas il fait comme d'habitude avec une guitare cette fois-ci manouche parce qu'il a voulu s'attaquer un petit peu au style manouche mais à sa façon donc il a une guitare manouche avec lui. Et puis, il a essayé de retravailler des morceaux, aussi bien des standards, hein, que ce soit Body and Soul, qu'avait déjà repris avant lui, bien avant lui, Django Reinhardt, mais aussi des morceaux comme Brazil Sketch de Stokelo Rosenberg, qu'il reprend là aussi. Mais à chaque fois, il y apporte sa petite touche. Il a repris aussi The Peacocks de Jimmy Rose, et puis In Walked Bud de Thelonious Monk. À chaque fois, il en fait un morceau à la fois jazz manouche, mais avec sa petite patte personnelle, beaucoup de richesse dans le jeu, et puis des petites touches personnelles qui vient ajouter, qui font sortir un petit peu de temps en temps le jeu de guitare du style strictement manouche. Le morceau qu'on va écouter, lui, est une composition, s'appelle Tourbillon, et donc c'est extrait de cet album Mosaïque qui sort chez Label West ces jours-ci. C'est Gwen Cahu qu'on écoute tout de suite. Thank you. tourbillonne. C'était donc un extrait de cet album Mosaïque de Gwen Cahu qui sort et c'est particulièrement réussi. Beaucoup de musicalité, beaucoup de finesse dans son jeu et dans les arrangements également. Un vrai petit bonheur qui va être suivi d'un autre guitariste et un autre bonheur puisque c'est le retour de Biréli Lagrène qui nous revient avec un album intitulé Elegant People. Alors c'est pas le Biréli Lagrène manouche qui nous revient, c'est plutôt le Biréli Lagrène électrique. Il faut savoir que Biréli Lagrène s'est fait surtout connaître par le jazz manouche avec des albums qui ont connu un succès absolument colossal dans les années 90 et 2000. C'est aussi un garçon qui a été un peu élevé dans le jazz, notamment par Jaco Pastorius, qui avait beaucoup d'admiration pour ce jeune garçon qui avait à peine 15 ans et qui jouait déjà avec lui et qui lui a aussi appris la basse parce que Biréli Lagrène est aussi un excellent bassiste. On retrouve dans cet album le Biréli Lagrène amateur de Weather Report et qui sait retranscrire des morceaux standards du jazz comme Time for Love, My Foolish Heart ou le Claire de Gilberto Sullivan dans un style tout à fait proche du jazz électrique de Weather Report avec beaucoup de groove, d'aspects un peu fun. Et puis un jeu de guitare absolument époustouflant. Je vous ai sélectionné dans cet album le morceau qui s'appelle West 40th Street et vous allez voir, c'est absolument incroyable. Écoutez bien le délié du jeu de guitare sur l'exposition du thème, c'est juste à tomber. On sait même pas, on se demande si la bande n'a pas été accélérée tellement ça joue, c'est extraordinaire. Donc il est accompagné de Jean-Yves Jung au piano et au Fender Rhodes, William Brunard à la contrebasse, Raphaël Panier à la batterie et donc Biréli Lagrène à la guitare et à E4. Ça envoie, écoutez-moi ça, c'est du bonheur. Thank you. Biregraine, donc extrait de ce nouvel album Elegant People, sorti sur Piwi ces jours-ci, en compagnie donc de Jean-Yves Young au clavier, William Brunard à la contrebasse et Raphaël Pagny à la batterie. Bon, ça joue, ça groove, c'est vraiment extraordinaire et c'est comme ça pratiquement pendant tout l'album. Donc faites-vous plaisir, allez acheter ce magnifique album Elegant People de Biregraine. Un autre revenant aussi, enfin même s'il n'était pas parti bien loin, mais c'est Olivier Carroyo qui nous revient avec un nouvel album sur Continuo Jazz, là, ces jours-ci. L'album s'appelle Life As It Is, et donc on y retrouve l'harmoniciste au meilleur de sa forme, avec une belle équipe autour de lui, puisqu'on retrouve André Charlier à la batterie, Benoît Souris à l'orgue, donc l'orgue qui s'occupe de faire les basses aussi, Mathis Cordier, jeune guitariste très prometteur dans ce qu'on peut écouter dans cet album-là, et puis en guest, et on va l'écouter sur le morceau que je vous ai sélectionné, Andy Narell qui joue des steel drums, vous savez, ces morceaux de métal sur lesquels on arrive à faire des rythmiques un petit peu comme dans les îles des Caraïbes, rythmiques harmoniques, vraiment très très belles. D'ailleurs, le morceau qu'on va écouter s'appelle Sir Andy, donc je pense que ça doit être un clin d'œil à Andy Narell qui accompagne donc le quatuor de Olivier Carvalho sur ce nouvel album, et on va écouter ça tout de suite, Sir Andy, avec, écoutez bien, les steel drums qu'on entend derrière la rythmique du groupe. C'était donc un extrait du nouvel album d'Olivier Cahorio, Life As It Is. Le morceau s'appelait Sir Andy. On y retrouvait donc Andy Narell au steel drums, André Charlier à la batterie, Bruno Souris à l'orgue, Mathis Cordier à la guitare et bien sûr Olivier Cahorio à l'harmonica. Un joli son d'harmonica, très fluide, très beau. C'est vraiment toujours agréable à écouter. Parmi les autres sorties dans la rubrique à bac à disque, et bien pas mal de choses encore dont on n'a pas forcément parlé, dont on parlera peut-être ou pas. Voilà, ça dépendra de l'actualité. Emmanuel Wilkins, le saxophoniste américain qui revient avec un live au Village Vanguard qui sort sur Blue Note. Pas de son encore, mais bon, on va guetter ça, ça risque d'être plutôt intéressant. Clovis Nicolas, le bassiste français installé aux États-Unis, lui sort un nouvel album qui s'appelle Blues in Blueprint. On avait fait le précédent en coup de cœur également. C'est vraiment certainement une belle réussite à voir dans les semaines qui viennent. Et puis un curieux album en duo de Roberto Fonseca, le pianiste cubain, avec Vincent Segal, le violoncelliste français. Ça s'appelle Nuit parisienne à la Havane. Ça s'apparente presque plus à de la musique de chambre qu'à du jazz. C'est très joli. Ça m'a pas fait plus frissonner que ça, mais c'est joliment fait. Si vous avez envie d'une musique un petit peu d'ambiance comme ça, avec une petite touche cubaine, voilà, vous allez pouvoir vous régaler avec ça. Et puis toujours beaucoup de rééditions qu'on continue d'explorer en fin d'émission. On va y revenir tout à l'heure. Et puis, parmi les nouveautés. Le retour encore de Naysam Jalal, flûtiste syrienne, réfugiée en France depuis de nombreuses années, vous savez pourquoi, qui a décidé d'aller faire un petit tour en Inde, non pas juste en vacances, mais pour aller explorer un petit peu ce qui fait la spécificité des musiques indiennes. Et elle en est revenue en ayant étudié notamment la musique hindoustanie, celle qu'on connaît chez nous à travers des gens comme Ravi Shankar, ces magnifiques ragas qui permettent de développer des pièces à partir d'une rythmique constituée au sitar et au harod et au sarod ou avec des percussions comme le tabla et qui sur lequel l'instrument principal en l'occurrence sa voix et sa flûte réussissent à mettre en exergue un petit peu sa musique. Elle s'est vraiment inspirée de la musique indienne et ça s'entend très nettement dans cet album dans lequel elle est en plus très très bien entourée puisqu'on retrouve à ses côtés l'excellent pianiste Leonardo Montana qu'on a déjà connu il y a 2 ans dans un grand album en duo avec Arnaud Dolmen. Zaza Desiderio joue de la batterie, Samrat Pandit est au chant, Sugata Roy Chowdhury au sarod, Nabankur Bhattacharya au tabla et Flo Comment au tempura. Alors que donc Naysam Jalal elle-même assure la flûte et les voix sur cet album, voilà, très très bon, zen, peut-être un mot un petit peu facile, mais c'est vrai qu'on y retrouve une ambiance qui évoque les chanderies à l'aube. Et justement, c'est le titre du morceau qui a déjà démarré, que vous pouvez entendre déjà derrière moi, In the Rice Fields at Dawn. On peut dire que Naysam Jalal a particulièrement réussi son imprégnation dans la musique indienne et que le résultat est tout à fait réussi, tout à fait étonnant. On va l'écouter, on va porter sa voix et sa flûte sur cette musique. Thank you. musique indienne n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Voilà, ça monte bien sur ce solo de Leonardo Montana qui vient apporter un petit peu la fièvre dans ce morceau qui était commencé plutôt dans un aspect plutôt zen. Voilà, c'est extrait de cet album Naysam Jalal Landscapes of Eternity. Le morceau s'appelait In the Rice Fields at Dawn. Et voilà, on retrouve un petit peu ce schéma entre morceaux très très cool et puis morceaux un petit peu plus fiévreux tout au long de ce magnifique album. On va passer directement maintenant à encore une nouveauté qui nous vient d'un petit peu plus près à l'est, pas aussi loin que l'Inde. Ça nous vient d'un pays de l'ex-Yougoslavie, mais là aussi, c'est un garçon qui est réfugié en France. Il s'agit de Serjan Ivanovic, le batteur originaire de Sarajevo, qui a fui quand il était enfant son pays en proie à la guerre et qui, chez nous, a trouvé sa place et a réussi, après être passé par la Grèce, à monter un groupe un petit peu cosmopolite avec différents musiciens d'origine diverse. Il y a Andreas Polizogopoulos à la trompette, donc lui avec un nom pareil on peut dire qu'il est grec. Federico Gazzacande à la guitare, lui vient d'Italie. Mikhail Ivanov à la contrebasse et donc Serjan Ivanovic qui assure la batterie. On avait déjà fait un coup de cœur sur son album précédent qui s'appelait Modula en 2024, qui était vraiment très très beau, sur lequel on retrouvait notamment la flûtiste Ludivine Isambourg qui jouait dessus. Et là, il continue son exploration des rythmes issus de l'Europe de l'Est, avec un jazz tout à fait original, tout à fait personnel aussi. L'album sort ces jours-ci. Il s'appelle donc Cosmogonie. Et de cet album, je vous ai extrait un morceau qui, là, a été enregistré à Athènes en version live pour une radio, à la radio Sierra. Le morceau s'appelle Gaïa, donc avec une intro rythmique tout à fait intéressante, qui fait bien le lien d'ailleurs avec les percus andiennes qu'on a écoutées tout à l'heure, avant de partir vers tout à fait autre chose. Serjan Ivanovic, donc le morceau s'appelle Gaïa. Thank you. C'était donc Monsieur Serjan Ivanovic avec son Blazing Quartet, à savoir Andreas Polizogopoulos à la trompette, Federico Gazagrande à la guitare, Imeriel Ivanov à la double basse et donc Serjan Ivanovic à la batterie. Une bien belle réussite, j'avais déjà eu un gros coup de cœur sur l'album précédent Modular, mais celui-ci est du même tonneau. Alors il se trouve que Federico Gazagrande, qui joue sur cet album de la guitare, joue également sur le nouvel album de Francesco Bearzati, le saxophoniste italien. Un album un petit peu particulier puisqu'il lui a été commandé une œuvre pour un festival, le festival de San Vito en Italie, et une œuvre qui devait comporter une partie pour quatuor à cordes classiques. Donc il a choisi pour cela le quatuor Arrigoni pour l'accompagner, et puis on retrouve également dessus Alessandro Turchette à la contrebasse, Umberto Trombetta Candi à la batterie et donc Federico Casagrande à la guitare, en plus de Francesco Bearzati au sax. Le morceau, l'album s'appelle The Peace Concert, le concert pour la paix, et il est divisé en quatre mouvements. Je vous ai sélectionné la partie 2, le Movimento 2 de ce Peace Concert de Francesco Bearzati, avec donc toujours Federico Casagrande à la guitare. On écoute ça tout de suite. Thank you. C'était le Movimento Due de ce Peace Concert de monsieur... ça y est, j'ai bouffé son nom. Voilà, Francesco Bearzati, excusez-moi. Francesco Bearzati, donc au sax, et puis Federico Casagrande à la guitare, qui ont bien illuminé cette petite pièce dans laquelle on entendait également le quatuor Arrigoni, donc une belle écriture à la fois pour quatuor de jazz et quatuor à cordes. Une belle réussite signée Francesco Bearzati. On va terminer donc cette émission en revenant, comme je vous le disais au début, en compagnie de Miles Davis, puisque ces jours-ci ressort une réédition de l'album Round About Midnight, enregistré en 1957 pour CBS. C'est le premier album sorti chez CBS de Miles Davis, qui venait juste de quitter Prestige, sur lequel il avait déjà enregistré 4 ou 5 albums. Il était un petit peu dans une période de doute à l'époque, mais grâce à un concert exceptionnel qu'il fit en 1955 au festival de jazz de Newport, il a été remarqué par George Avakian, qui était un des chasseurs de tête de CBS, qui l'a tout de suite signé sur le gros label, parce que c'était vraiment un gros label à l'époque, CBS. Deux ans plus tard, donc en 1957, sortait cet album enregistré partiellement en 1955 et en 1956. Donc ils avaient pris le temps de bien faire les choses pour être sûr de leur coup. Et cet album donc va consacrer Miles Davis deux ans avant Kind of Blue comme vraiment une des personnalités avec lesquelles il va vraiment falloir compter dans l'histoire du jazz qui va continuer à explorer et à exploser dans les années 60. C'est un album dans lequel on retrouve un très très beau quintet, puisqu'on y retrouve déjà John Coltrane comme sur Kind of Blue, qui débute et qui est encore pas tout à fait très connu, que George Avakian, le producteur, trouve encore un petit peu jeune, un petit peu mal dégrossi, et pourtant Dieu sait que très vite John Coltrane va faire son trou dans l'histoire du jazz. Au piano il y a Red Garland, à la basse Paul Chambers et à la batterie Philly Joe Jones. Un album qui est avec une pochette aussi emblématique, une photographie de Marvin Conner qui orne cet album, prise au Café Bohémia lors d'un concert. On y voit Miles Davis en gros plan avec sa trompette dans les bras, les lunettes noires, la tête baissée, se concentrant un petit peu sur la musique qu'il entend. C'est musicien jouait comme si voilà, il cherchait un petit peu à s'isoler, à se concentrer sur la musique. Il met ses mains sur ses oreilles pour vraiment entendre mieux la musique de ses amis musiciens et entendre moins les bruits de la salle. On le sent vraiment dans une position de grande concentration. Une des images un petit peu emblématiques de Miles Davis. Cet album connaîtra un succès absolument colossal. Plus il aura vendu plus à lui tout seul que les 5 ou 6 albums qu'il a fait précédemment pour Prestige, et ça va vraiment l'installer comme un des grands espoirs. Et puis il réussira à confirmer 2 ans plus tard, et comment, avec l'album Kind of Blue, qui lui va exploser tous les compteurs des maisons de disques. Donc cet album de 1957 est actuellement réédité sans bonus, juste tel quel, parce qu'il se suffit à lui-même. On va écouter un morceau de Charlie Parker, extrait de cet album, un morceau qui s'appelle « A le Tcha ». Et sur ces notes, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci encore à Maxime pour avoir assuré la technique avec brio comme d'habitude. Et je vous souhaite une très belle semaine jusqu'à lundi prochain. Et d'ici là, que le jazz soit avec vous.